est-ce que bozo yeba ou bien bozo sera semblant? Ritien itel, les richissimes de ficelle. Mobouloute, Sarma Sengi Kalmezala, Ngambe Jean-Paul. Plein de bonnes manières, Georges Bondou Telito. Nasala qui sorti mon cola pour son aboutou, Nana Poutana qui n'a yo, Yoko Yaki. Denise Kabeti, Delanda, Lucien, Espé, Dede Bikofo, Apôtre Misaka, François Roi de Gaulle, Mabele, Kotikana Mabele, Chikose. Où les temps sombris les sommets, sous les regards de la lumière des étoiles. Oh Dieu! Un bas japonais na Bruxelles, toujours en connexion. Un Claude Monto na Charleroi, Palme d'or, force tranquille. Héritier Itélé. Yonde mwinda mwisele ye ye ye ou papa. Bato balingi baeba son ki fuma yon koperaka. Basusu balingi baeba son ki fuma onzala mongo. Bato balingi baeba son ki fuma onzala kisi. Tchoto benedisyon yon zambé. Eritye itele Monsu yon basi aeba kapasi ya balinga. Soki le longa na komi bo ezali pe fonga nga moko. Beba benedisyon ya Nzambe. Mela na café et boni chez maman Valine à Bruxelles. Na kumi si kolo Nzambe nixo selanga. Na pesi nguya na nkembo na elimo na kolo Nzambe. Yo kanga mwana mawa na kole la godar kibina. Chacho mbongo Papi shako na kumi sa Florentiala. Na yembela emepinga. Na kumi sa Chantale Switzerland oh. Les jeunes maîtres élégants, Jamons, Philomena, Rachel Way, Mami Way. Héritier itélé, Mosu yambasi, aeba kambasi abaninga. Soki le longa na komi bo ezali benfonga nga moko, beba benedisyon ya Nzambe. Maître Kim, Pati Moubena, Freddy Aquile, Héritage. Moi c'est ma Kim Pouni, tout m'iri m'envoie, et le café me routi m'éteille. Et le olé la tout m'iri m'envoie, et le café me routi m'éteille. fête mentale.